Elle lance le SMS comme on lance le SOS, comme des fuses de détresse, comme des signes de faiblesse. Au cœur même de la nuit, au cœur de la mégapole, elle tapote son ennui sur l'écran de son smartphone. Elle envoie le SMS comme on lance le SOS. Le tactile, c'est sa tactique, seule marque de fabrique. Elle envoie le SMS telle de lettres de noblesse, se tient là à sa livresse, seule dose d'allégresse. Elle envoie de SMS comme des bouteilles à la mer, une armée de CRS lui répondent en 3 heures. Par milliers tous ces messages compulsifs à computer sont des messes sans visage, pixels arrivés au cœur. Elle envoie le SMS comme on lance le SOS. Le tactile, c'est sa tactique, seule marque de fabrique. Elle envoie le SMS telle de lettres de noblesse, se tient là à sa livresse, seule dose d'allégresse. Elle écrit des SMS, des tactiles digitaux, comme on allait à confesse de ses péchés capitaux. Elle écrit sur des cristaux si liquides et si fragiles qu'ils se brisent tels des vitraux sur les ruines des églises. Elle envoie des SMS comme on lance des SOS. Le tactile, c'est sa tactique, seule marque de fabrique. Elle envoie des SMS telle de lettres de noblesse, se tient là à sa livresse, seule dose d'allégresse. Elle envoie des SMS comme on lance des SOS. Le tactile, c'est sa tactique, seule marque de fabrique. Elle envoie des SMS telle de lettres de noblesse, se tient là à sa livresse, seule dose d'allégresse.